Tout vendu. rap à la batterie. Attends. We'll be right back. De batterie. Enlever les synthés. C'est quoi ta rythme, hein, ça va pas faire à Bilou, hein. Bilou, c'est... What? d'accord ? Ouais, je vais baisser, attends. Attends. CD, faut que j'enlève. Ça va pas. C'est mieux le volume.